L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des galaxies spirales géantes. C'est ce qu'ont découvert des astronomes américains. Ces galaxies spirales sont non seulement super lumineuses, mais aussi de très grande taille et très massives. Leur origine est encore quelque peu mystérieuse. Les plus grosses galaxies que nous connaissons sont des galaxies dites elliptiques, qui n'ont pas ces belles formes spiralées comme peut arborer notre Voie lactée, mais au contraire forment des sortes de grosses boules en forme d'ellipse. Mais cette nouvelle découverte de galaxies spirales aussi grosses que les plus gros spécimens de galaxies elliptiques vient aujourd'hui rebattre les cartes dans la zoologie des galaxies. Les membres de l'équipe de Patrick Hoggle du California Institute of Technology ont été surpris en découvrant cette population de galaxies spirales qu'ils appellent désormais des galaxies super spirales. Ils les ont débusquées en fouillant dans une base de données construite par la NASA, la bien nommée NASA Extragalactic Database, et en examinant pas moins de 800 000 galaxies situé à une distance inférieure à 3,5 milliards d'années-lumière. Ils les ont classifiées par luminosité décroissante, notamment en lumière visible. La luminosité des galaxies est évaluée par rapport à une valeur étalon de luminosité qui est la luminosité émise par notre propre galaxie. On l'appelle L-star. Les galaxies qui montrent une luminosité supérieure à L-star sont assez rares, et était toute elliptique jusqu'à aujourd'hui. La galaxie spirale la plus lumineuse trouvée par l'équipe de Hoggle a une luminosité égale à 14 L-star. Parmi les galaxies les plus lumineuses qu'ils ont mis au jour, 3% sont bien spirales et non elliptiques. Les chercheurs montrent dans leur étude soumise à The Astrophysical Journal que ces galaxies ressemblent à s'y méprendre à des galaxies spirales classiques, mais quand on calcule leur distance, on se rend compte à quel point elles sont énormes et brillantes. Cela peut expliquer pourquoi elles n'ont jamais été remarquées auparavant, car leur distance n'avait pas été évaluée. Dans leur vaste échantillon de galaxies, les astrophysiciens américains ont trouvé 53 galaxies spirales qui ont une luminosité comprise entre 8 et 14 L-star. La spirale la plus grosse, située dans la constellation de Hercule, a un disque 4 fois plus vaste que celui de la Voie lactée, soit environ 440 000 années-lumière. C'est grand. Mais ces galaxies superspirales sont tout de même relativement rares. Leur nombre a été estimé à une dans un volume cubique de 1 milliard d'années-lumière de côté. Ainsi, la super spirale la plus proche de nous se trouve à 1,2 milliard d'années-lumière. Avant la découverte de cette cinquantaine de galaxies monstres, il existait un précédent, un seul, qui montrait une masse du même ordre, mais avec, en revanche, une luminosité beaucoup plus faible. C'était la galaxie UGC 2885. Maintenant, avec un tel échantillon, les astronomes espèrent pouvoir comprendre comment ces galaxies ont pu apparaître. La grande question que les spécialistes se posent est pourquoi ces galaxies sont-elles si énormes tout en étant restées de forme spirale ? C'est en effet plutôt des galaxies elliptiques que l'on devrait trouver avec de telles dimensions. Les galaxies elliptiques peuvent grossir énormément car elles se trouvent le plus souvent au cœur des amas de galaxies où elles peuvent avaler d'autres galaxies. Or, les fusions de galaxies ont pour effet de casser la belle structure initiale en bras spiralés des jeunes galaxies. Les galaxies spirales, même de taille normale, surpassent généralement de loin leurs consœurs elliptiques en termes de formation d'étoiles, qui a lieu avant tout dans les bras spiraux peuplés de gaz froid et de poussière. les galaxies super spirales font encore mieux, bien sûr. Le taux de formation d'étoiles, qui donne le nombre d'étoiles produites par an dans une galaxie, atteint chez les super spirales jusqu'à 65 masses solaires par an. Pour comparaison, notre petite Voie lactée ne fabrique que 2 soleils par an. Les galaxies spirales parviennent à continuer de fabriquer des étoiles en absorbant des grandes quantités de gaz intergalactique. Mais quand une galaxie devient très massive, le gaz qui tombe dans la galaxie s'échauffe davantage jusqu'à devenir trop chaud pour qu'il puisse se condenser en étoiles. Ce phénomène indique que ces galaxies spirales très massives ne devraient tout simplement pas exister. Or, les superspirales continuent de grossir sous nos yeux. La plus massive de l'échantillon de Hoggle et ses collaborateurs atteint la masse appréciable de 340 milliards de masses solaires en étoiles. De la matière ordinaire, bien sûr. Les chercheurs sont donc à l'affût d'indices qui pourraient les mener à l'origine de ces galaxies super spirales. Ils ont notamment relevé, en regardant de près les détails de leur architecture respective, que 8% de ces galaxies possèdent un double noyau, la partie centrale la plus brillante. Cet indice suggère que celles-ci seraient des résidus de la fusion de 2 galaxies spirales plus petites. Mais normalement, comme on l'a vu, la fusion de 2 galaxies spirales doit produire une galaxie elliptique. Oui, mais sauf dans un cas. Si les 2 galaxies qui s'approchent l'une de l'autre se situent exactement dans le même plan de rotation et qu'elles tournent dans le même sens. Alors dans ce cas, la forme spiralée pourrait être conservée lors de la fusion. Un autre indice vient apporter de l'eau à cette explication. 2 galaxies superspirales de la population découverte par Hoggle et ses collègues possèdent un quasar dans leur centre. La preuve de la présence d'un trou noir supermassif actif en train d'accréter de la matière. Le phénomène est souvent associé à l'existence récente d'un apport de matière fraîche, par une fusion galactique par exemple. D'après les chercheurs, ces superspirales pourraient maigrir d'ici quelques milliards d'années lorsqu'elles arriveront à court de gaz et cesseront leur production d'étoiles. Elles pourraient alors devenir des galaxies lenticulaires, la phase intermédiaire existant entre les spirales et les elliptiques, avec un disque mais sans bras spiraux. Bon, avant qu'elles ne disparaissent, les astrophysiciens ont heureusement largement le temps de les observer avec des outils toujours plus évolués pour tenter de comprendre le fin mot de l'histoire de ces monstres de beauté. L'article de Patrick Hoggle et al. A été soumis à The Astrophysical Journal. Il s'intitule très sobrement Superluminous Spiral Galaxies. On le trouve en préprint sur le site Archive et je mets le lien bien évidemment en bas de ce billet que vous pouvez retrouver avec des images, enfin une image d'un échantillon de ces galaxies super spirales qui, on le voit, possèdent bien 2 noyaux. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr avec des tirets entre les mots. Hein. Et vous retrouvez ce podcast bien évidemment sur iTunes ainsi que sur podcloud.fr. N'hésitez pas à vous y abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon ciel et restez bien les yeux là-haut au ciel justement et les pieds bien bien sur terre. Salut !